sur le beat, tiens je prime, kick frappe avec mes nailles. Trop de MC se disent puissants sur le mic, yeah. De MC cela j'y bandit. Mais face à la nouvelle source, ils ne sortent plus le samedi. Aïe. Je n'ai pas besoin de portée ou de clé de sol. Seul j'ai toujours été seul car je viens du sous-sol. Je n'ai pas mon nom écrit sur tous les murs, mais sur tous mes vêtements car je tâche comme une mûre. Écoute, reste toi-même, ne donne pas d'image, reste plutôt sage. Là tu gagneras de l'avantage. Je travaille dur, très dur, et là je récolte ce que j'ai gagné. Du style, du flow et des sacs de rimes à en jeter. Trop de MC se disent puissants sur le mic. Je suis gravé sur aucune chose, juste sur ma bague, mon boss il me pousse, me place au poste de boss. Qui est le plus féroce? C'est celui qui envoie la sauce. Ah. Un pour les aiguilles, deux pour la basse, trois pour ta femme. C'est parce que je ne porte pas d'Adidas. Une arrivée en force dans le hip hop, tu t'en moques? Là je m'en bats les gueules, je ne baisse pas mon froc. Ouais. Je suis de la nouvelle vague des rappeurs à double face, efficace contre les tâches tenaces. Everybody, move your body. Combo Star et tous en posse sont dans la partie. Ouais, une spéciale dédicace à tous les MC qui se disent s'enfuit sur le MIC. Sur le beat, tiens, je frime, kick, frappe avec mes Nike. Trop de MC se disent puissants sur le mic. Je nous vois, c'est un chelou bas, de l'IA flex funk. Kick avec mes Nike, ah. Sur le beat, tiens, pour les beats, tiens. Juste ma bif, pas me dit, c'est où j'habite, tiens. Yo, je nous vois, c'est un chelou bas, de l'IA flex funk. Kick avec mes Nike, ah. Hey yo, m'aider, m'aider, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Mon niveau est trop fort pour me comparer à ces PD. Je suis le funk, funk, caca de l'élec qu'on appelle Busta. J'aiguise, déguise mes rimes comme les locks d'Arasta. Mon style est tellement fort que les sourds m'entendent, il fait crier les muets. Quand c'est les cul-chat, te réveille les morts. Mon flé du flow coule encore plus qu'une flé du chat mal réglée. Coupe ta plotting, je sens que t'as envie d'étrangler. A l'aise, à balèze, plus chaud que de la braise. Du haut de la falaise, je baisse car je viens du 93. Ouais, j'arrive de nulle part, et pas près de retip. Ma place, je l'ai fait dans squattant les chromis dans les tipas. Respect le funk, à l'élec, Busta flex. J'efface les sales faces avec mon style et tu dis please, yo please, ne viens pas me tester. Je mets trop d'MC à l'amende donc je suis détesté. Sur le beat, tiens je prime, kick frappe avec mes Nike. Trop de MC se disent puissants sur le mic. Je du one star chelou bas, de l'IA flex funk. Kick avec mes Nike, yeah. Sur le beat, tiens, pour les beats, tiens. Suce ma bouche, tu sais où j'habite, tiens. Yeah. Pas je du one star chelou bas, de l'IA flex funk. Kick avec mes Nike, yeah. Je m'appelle Busta Flex, donc respect ma quête ineffect. Je colle un direct, c'est qu'à tous les fous du move qui se la pète. Reste vrai et représente le vrai hip hop. C'est lui qui se walk du rock et qui ne baisse pas son froc. Le HIPHOP sa place en silence. Mais personne ne pense qu'en France on avance dans la danse dans le bon sens. Donc j'ai décidé de prendre le mic et d'imposer mon style sur les pas comme des éclaboussures de flac. Il y en a trop qui jouent les macs, qui méritent des claques. Représente le bien, reste vrai toi pour ne pas qu'on te braque. Ta méthode man est trop redman pour que tu joues les biggies. Tu ne seras jamais hip hop même si tu portes encore baggy. Et quand je suis dans la place, c'est bombastique comme Shaggy. Spécial big up pour mon DJ Goldfinger qui représente pour le bourget. Voilà de la vraie sauce pour un 996. Un 997. Funk Busta Flex possède une fois de plus la recette. Sur le beat, ya, écoute ça. Sur le beat, ya, je frime, kick, frappe avec mes knives. Trop de MC se disent puissants sur le mic. Quand j'ai du one star chelou bas, de l'IA flex funk. Kick avec mes knives, ya. Sur le beat, ya, pour les beats, ya. Suce ma radio, tu sais où j'habite, ya. Yo, j'ai du one star chelou bas, de l'IA flex funk.